Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de la spiritualité initialement diffusée en octobre 2019. Aujourd'hui, premier temps, Bergson, quand l'esprit rencontre la matière. La spiritualité est sur toutes les bouches. Quête de sens, besoin de s'élever, de prendre de la hauteur, se détourner du corps et de la matière pour gravir les échelons en direction de la sagesse. Oui, mais la spiritualité en général ne signifie rien. Elle se décline en doctrine, école et courants qui tentent de hisser la réalité de l'esprit à son plus haut. Alors cette semaine, on mène l'enquête et on commence avec Henri Bergson. Bergson à qui l'on doit l'essai de voix le plus fameux de l'histoire de la philosophie. Enregistrement réalisé le 3 juin 1936 chez le maître Henri Bergson au moment où il approchait de ses 77 ans. Vous voulez dire une ou deux phrases? Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Il suffit. School spirit of the moon. Il suffit. Alpha step, omega step, kappa step, sigma step, gangsters walk. Pimps gon' talk, ooh, hecky no, that boy is raw. A.K.A. Step, Delta Step, S.G.O. Step, Zeta Step, gangsters walk. Pimps gon' talk, ooh, hecky no, that boy is raw. I'ma get on this TV, mama, I'ma put this down. I'ma make sure these light skins again never, ever, never come back in style. Told them I finished school and I started my own business. They say, oh, you graduated. No, I decided I was finished. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité... L'école de l'esprit, c'est le titre de cette chanson de Kanye West. Bonjour, bonjour à vous, Paul-Antoine Miquel. Bonjour. Un lundi qui commence avec Bergson et Kanye West, c'est forcément un lundi qui commence bien, non? Je ne ferai pas de commentaire, mais c'est très rigolo d'entendre encore ce petit extrait avec cette voix à la fois très ancienne, très beaucoup de rhétorique. Il y a cette espèce de rhétorique... on sentait la façon de parler, elle ressemble pas du tout à celle d'aujourd'hui. C'est la seule archive que nous ayons de la voix de Bergson, et en fait, on comprend en écoutant l'archive dans son intégralité, bon, elle dure pas très longtemps, que c'est un essai de voix et qu'on n'a pas gardé l'entretien que Bergson avait. Mais il démarre tout de suite. Hop, on a l'impression. On va faire pareil, Paul-Antoine Miquel, vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'université de Toulouse, Toulouse 2, et c'est avec vous que nous inaugurons cette semaine sur la spiritualité. Est-ce que le mot de spiritualité s'applique à la philosophie de Bergson? Alors, vous voyez, la première chose qu'il faut dire, c'est oui, elle s'applique. Il n'y a aucun doute. Voilà. Au fond, c'est ça la première chose qu'il faut dire. C'est opératoire. Mais en même temps, parce qu'il ne prononce pas le terme. En même temps, si, il parle d'esprit, de spiritualité, mais très peu finalement, extrêmement peu. Donc un des passages où vraiment il en parle, c'est le passage de la pensée et le mouvant, là, du début de la deuxième conférence de la pensée et le mouvant. Il en parle aussi dans une conférence de l'énergie spirituelle qui s'appelle « La conscience et la vie ». Là, il donne d'ailleurs la même définition de l'esprit, mais c'est finalement assez rare. Et donc... quand vous m'avez invité, je me suis dit, mais j'étais un peu paniqué parce que d'une certaine façon, est-ce que il n'y a pas chez Bergson la même chose que ce qu'il y a chez Wittgenstein à propos de l'âme et de l'esprit? C'est-à-dire? Dans le paragraphe 420 ou 422 des recherches philosophiques, il dit qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est une idée à laquelle on ne peut pas donner d'image, c'est-à-dire on peut pas appliquer, il n'y a pas d'opérativité du concept. Et donc je me suis demandé, est-ce que c'est pas un peu pareil chez Bergson? Et en fait, non. C'est pas du tout pareil. Je crois qu'il y a vraiment une opérativité du concept d'esprit. Mais comme toutes les choses très importantes chez Bergson, quand il en parle peu, et il faut saisir les moments où il en parle, parce que c'est là qu'après les articulations arrivent et qu'on comprend sa pensée. C'est exactement le programme du jour. Ah, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire ensemble. Distinguons dès à présent spiritualité du terme même d'esprit. On peut parler d'esprit quand on parle d'esprit, et surtout en philosophie, quel que soit le philosophe qui en parle, c'est pas forcément appartenir au courant même de la spiritualité. Absolument. Alors, c'est-à-dire que, évidemment, avec Bergson, rien ne fait sens sinon à travers la durée, pour parodier Dobzhansky pour l'évolution. Et donc, rien ne fait sens sinon à travers la temporalité. Et quand il dit spiritualité, ça veut dire que c'est une tendance. La spiritualité, une tendance. Une tendance qui se distingue de la matérialité. Et donc, c'est pour ça qu'il utilise le mot spiritualité en plus de celui d'esprit. Pour bien dire que l'esprit, c'est pas juste une faculté, c'est quelque chose qu'on caractérise à travers la dimension temporelle qu'il peut avoir. Donc voilà pourquoi il utilise en même temps esprit et spiritualité. Donc l'esprit est quelque chose de temporel pour Bergson. Ah oui, vous voulez que je vous explique tout de suite ou pas? Ah bah oui. Et ben voilà, en fait... Sinon on peut pas avancer là, pour le coup, si vous ne nous aidez pas sur ce point. Et oui, tout à fait, parce que qu'est-ce que c'est la définition opératoire? C'est l'esprit tire de lui-même plus qu'il n'a. La spiritualité est cela même. Voilà. La spiritualité, c'est le fait que l'esprit tire de lui-même plus qu'il n'a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose que ça veut dire, vous le voyez bien, puisqu'il tire de lui-même plus qu'il n'a, eh bien, c'est qu'il est ouvert sur lui-même. C'est pas un signe de clôture, c'est un signe d'ouverture. Et qu'est-ce qui fait qu'il est ouvert? C'est qu'il est en même temps, tout le temps, à la fois plus et moins que lui-même, à la fois au-delà de lui-même et en deçà de lui-même. Tout le temps inadéquat à lui-même, finalement. Et donc, tout le temps en recherche de dépassement de soi. C'est ça qui caractérise l'esprit comme spiritualité. Et s'il est à la fois plus et moins que lui-même, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un processus, c'est un devenir spirituel. L'esprit, en fait, c'est du devenir spirituel. Et la philosophie de l'esprit, c'est une philosophie du devenir. C'est la philosophie de Bergson. Donc ça veut dire que l'esprit pour Bergson n'est pas simplement ce qui s'oppose à la matière. L'abstraction. Non, alors j'espère qu'on va le voir à travers cette émission. Mais justement, toute la recherche qu'il propose, c'est d'essayer de comprendre. C'est ce qui va rendre opératoire le concept de spirituel, c'est d'essayer de comprendre par la spiritualité la relation entre le spirituel et le matériel. On va laisser la parole à Bergson de nouveau, cette fois-ci, bien sûr, à travers la voix de Georges Kless, écouter un extrait de La pensée et le mouvant, dans lequel Bergson définit ce qu'on peut appeler la spiritualité. Penser intuitivement est penser en durée. L'intelligence part ordinairement de l'immobile et reconstruit tant bien que mal le mouvement avec des immobilités juxtaposées. L'intuition part du mouvement, le pose, ou plutôt l'aperçoit comme la réalité même et ne voit dans l'immobilité qu'un moment abstrait, instantané, pris par notre esprit sur une mobilité. La pensée se représente ordinairement le nouveau comme un nouvel arrangement d'éléments préexistants. Pour elle, rien ne se perd, rien ne se crée. L'intuition, attachée à une durée qui est croissance, y perçoit une continuité ininterrompue d'imprévisibles nouveautés. Elle voit, elle sait que l'esprit tire de lui-même plus qu'il n'a, que la spiritualité consiste en cela même, et que la réalité, imprégnée d'esprit, est création. L'esprit est ce qui consiste à tirer continuellement de lui-même plus que ce qu'il ne contient. C'est la définition que vous avez donnée de l'esprit, Paul Antoine Miquel. On la retrouve dans ce texte, mais on découvre aussi des nouveaux mots qui sont essentiels pour aller plus loin, essayer de comprendre ce que Bergson va dire. On découvre le terme d'intuition qu'il oppose à penser, et on comprend qu'ici le terme clé, c'est le dernier, c'est création. Au fond, c'est ça. Dire qu'il tire plus qu'il n'est lui-même, ça veut dire que l'esprit est par essence créatif. Absolument, tout à fait. Il tire de lui-même plus que ce qu'il a, ça veut dire il est à la fois créatif et non créatif. C'est ça le problème. Il est cette tension. Il est ouvert sur lui-même, donc il est devenir de lui-même, et donc il est à la fois plus et moins que lui-même, donc il est à la fois clôture et ouverture. Il est cette espèce de jeu entre la clôture et l'ouverture. Et là, le jeu entre la clôture et l'ouverture, c'est le jeu entre l'intelligence et l'intuition. C'est le jeu entre l'intellectualité et puis la spiritualité au sens philosophique, en effet. Alors ça, c'est contre-intuitif. Et ce jeu s'ouvre, avec la durée. Voilà. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez Bergson, l'intelligence n'est pas la faculté qui permet de comprendre ou en tout cas de s'approcher au plus près de la réalité. C'est l'intuition qui le permet. Tout à fait. Il a hésité sur le choix du mot intuition. Ce terme n'est pas prononcé tout de suite, pas prononcé dans sa thèse. Il hésitait entre intuition et intelligence métaphysique. Mais il s'est réservé le terme d'intelligence pour en effet cette caractérisation de la dimension intellectuelle de la pensée, qui se matérialise pour lui par la perception et par la science. Tout à fait. Ouais. Et donc, en effet, cette ouverture sur soi de l'esprit commence par une réflexion qui porte sur la relation entre l'espace et la durée. Voilà. Vous voulez que j'explique? Ah ben oui, s'il vous plaît. Oui, à chaque fois. Inscrivez-vous vous-même dans la durée de l'émission et donnez-nous les éléments pour continuer à suivre. Tout à fait, avec grand plaisir, bien sûr. C'est la grande découverte de Bergson, qui arrive dans son premier livre, au deuxième chapitre de son premier livre, donc son premier livre, L'essai sur les données immédiates de la conscience. Alors, elle n'arrive pas n'importe comment, je voudrais bien dire, c'est 1889, vrai. 1889. Absolument, tout à fait, 1889. Elle n'arrive pas n'importe comment. C'est-à-dire, à chaque fois, chez Bergson, c'est ça l'originalité de la philosophie de Bergson. Quand un problème philosophique arrive, il arrive parce qu'il y a un problème, d'abord, la plupart du temps, dans les sciences. Et là, c'est tout à fait clair. Le problème dont il parle dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, c'est un double problème. D'abord, c'est un problème de psychophysique. C'est-à-dire, pourquoi la sensation et la qualité physique, c'est pas la même chose? Là, il développe ce problème dans le premier chapitre. Et les gens qui l'avaient interrogé le jour de son doctorat n'ont parlé que de ça. Et puis, il écrit cet incroyable deuxième chapitre où il se dit, voilà, s'il y a une différence entre sensation et qualité physique, ça doit être à cause de quelque chose, il faut que je trouve quoi? Et c'est là que le concept de durée arrive. Alors, je vous explique comment il arrive, ce concept de durée. En fait, il vient de... Bergson, comme vous le savez, avait une formation scientifique sérieuse. Il était prix de concours général de mathématiques. Et il avait une formation classique en physique et en mathématiques, mais vraiment sérieuse. Et donc, il se souvenait très bien de ce qu'on apprend. La première chose, et là, il y a peut-être des élèves de lycée qui nous écoutent, la première chose qu'on apprend en physique, en mécanique, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Et pour définir la conservation de la quantité de mouvement, on est obligé de définir le mouvement comme produit de la masse et de la vitesse. Et pour définir la vitesse, comment on fait? On définit la relation entre les espaces parcourus et les temps écoulés. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Mais au fond, qu'est-ce que c'est les temps écoulés? C'est une ligne pour le physicien. Donc, qu'est-ce que je fais quand je représente le temps écoulé comme une ligne? Je donne une représentation spatiale du temps. Et est-ce que cette représentation spatiale du temps coïncide avec l'expérience qu'on a de la durée? C'est ça la première question que pose Bergson. Et la réponse est non, clairement non, elle ne peut pas coïncider. Regardez, je vous parle là, en ce moment, imaginons que je pense à ce que je faisais vendredi. J'étais à Toulouse, voilà. Mais au moment où je vous parle, cet événement, Paul-Antoine est vendredi à Toulouse, cet événement a disparu. Nous sommes d'accord. Donc, je ne peux pas mettre en relation maintenant, aujourd'hui, le moment où je vous parle, et puis cet événement qui a disparu. Au fait, c'est la conception linéaire du temps qui est contestée par Bergson. Il n'y a pas un avant, un pendant et un après. C'est-à-dire que l'avant, le pendant et l'après ne sont pas là en même temps. Quand le pendant arrive, l'avant a disparu et l'après. Sauf dans votre mémoire. Et l'après n'est pas encore là, sauf dans la mémoire en effet. Mais ça signifie donc que je ne peux pas appréhender en même temps, comme je peux appréhender en même temps des segments d'une droite, je ne peux pas appréhender en même temps les instants de la durée. Et donc toute représentation spatiale de la durée est forcément fausse. Et donc vous voyez, hop, qu'est-ce que dit l'intellect? Elle dit la durée, l'intellect dit la durée, c'est une ligne. Et qu'est-ce que fait l'esprit? L'esprit, il comprend bien que la durée est au-delà de cette ligne. Vous voyez, l'esprit tire de lui-même plus qu'il n'a. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que le temps, c'est de la durée objective? Le temps, c'est le nom qu'on donne à un écoulement temporel, à l'horloge que j'ai au-dessus de mes yeux. Je vois les secondes qui défilent, ça c'est peut-être le temps, les unités de temps qui font croire que le temps est linéaire. Alors que la durée, c'est la façon subjective et singulière que j'ai de vivre cet écoulement temporel. Tel que ça se présente au début, oui, on peut le dire. Et vous allez voir que ça va être plus compliqué après. Mais tel que ça se présente au début, on peut le dire. C'est-à-dire que le temps objectif du physicien n'est pas la durée vécue par la conscience. Voilà. La durée est relation à soi, à quelque chose qui est en moi, à un monde intérieur, qui est aussi un monde temporel. Mais alors ça veut dire, Paul-Antoine Miquel... Et ce monde temporel, au début, je le vois par la succession, mais petit à petit, je vais découvrir que ce monde intérieur, en fait, c'est la mémoire. Vous voyez, c'est concret, Bergson. Oui, quand il parle d'esprit, il désigne des choses précises. Mais c'est dans ce cas le divorce entre la science et la philosophie. Au début, oui. Bah ouais. Au début, oui, mais vous allez voir, après, ils vont se réconcilier. On va faire leur mariage d'ici la fin de l'émission. Alors, on va garder ce point-là pour un petit peu plus tard. Au Tibet, Nous croyons que l'esprit et le corps sont l'un le contenu, l'autre le contenant. Maintenant, la tasse n'est plus une tasse. Mais que devient le thé ? C'est toujours du thé. Et cela reste du thé. Dans la tasse, sur la table, ou encore sur le sol, il passe d'un récipient à un autre récipient. Mais c'est toujours du thé. Ainsi, l'esprit, après la mort, passe d'une enveloppe corporelle dans une autre. Mais il reste l'esprit. Même dans un torchon, c'est toujours du thé. Le même thé. Peut-on dire, Paul-Antoine Miquel, que l'esprit chez Bergson est comme l'image du thé, prise ici par le moine bouddhiste, le lama Norbu, qu'on trouve dans le film de Bernardo Bertolucci, Little Buddha, sorti en 1993, que donc l'esprit est ce qui peut passer d'un corps à l'autre, parce qu'il est à la fois abstrait, en tout cas immatériel, et en même temps permanent, ce qui voudrait dire que Bergson s'inscrirait dans une lignée qui est absolument dualiste, qui distingue d'un côté l'esprit, de l'autre le corps. Alors, c'est très délicat, là. Vous posez une question très délicate. Je pense qu'il y a un aspect de la pensée de Bergson qui répondrait oui. Tout à fait. C'est-à-dire, Bergson croyait dur comme fer que l'âme survivait à la décomposition du corps. Et il y avait cette croyance profonde. Donc, il y a cet aspect de la philosophie de Bergson qui va dans cette direction-là. Maintenant, vous allez voir, si on suit l'opérativité du concept d'esprit, ça ne va pas dans cette direction-là. On va aller progressivement dans une direction où je vais, par la notion de spiritualité, comprendre la différence entre matière et esprit. Donc, sans pouvoir vraiment séparer les deux l'un de l'autre. Ils sont à la fois opposés, pourtant on ne peut pas les séparer. Vous voyez, c'est pas un dualisme classique. Ouais. Le dualisme classique, c'est un concept de l'intelligence, un de ceux que Bergson dénonce précisément. L'intelligence, c'est ce qui amène l'esprit ou l'individu qui veut comprendre le monde à découper en des morceaux, en des segments, pour absolument, reprendre l'image de ça. L'espace, justement, la réalité qui nous est donnée. Et ce faisant, tourne le dos à l'essence même de cette réalité. Absolument. Donc là, vous voyez, vous pouvez découper aussi la réalité elle-même en disant la réalité est matière et la réalité est esprit. Et quand vous faites ça, vous êtes intellectualiste, en fait. Ce qui est pas une bonne chose pour Bergson. Ce qui est pas une bonne chose. Il y a des commentateurs de Bergson qui l'ont lu comme ça, mais je pense que c'est une complète erreur. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que Bergson s'inscrit dans l'héritage d'une histoire de la philosophie française, notamment qu'on pouvait qualifier de spiritualiste, et qui essayait elle-même de prendre ses distances avec d'un côté le matérialisme et de l'autre l'idéalisme. Le matérialisme qui tient la matière comme principe premier de toute chose. L'idéalisme qui, au contraire, tient le monde idéal comme principe premier de toute chose. Le spiritualisme, alors, Maine de Biran notamment, et puis Ravesson, au contraire, tiennent l'esprit vivant comme étant le moteur actif à l'origine de la réalité. Absolument, ça c'est vrai. Mais ensuite, comment on caractérise l'esprit ? C'est ça le problème. Est-ce qu'il s'oppose ou non à la matière ? En un sens, il s'y oppose, et en un sens, il y a une matérialité de l'esprit. Et donc, je crois que c'est ça qui marque le moment bergsonien par rapport à ses prédécesseurs. C'est cette manière de rendre opératoire le concept d'esprit sans l'opposer à la matière comme quelque chose qui serait en dehors de lui, qui serait séparé de lui, qui serait indépendant de lui. Alors, où est-ce qu'il retrouve la matière, l'esprit ? Alors déjà, puisqu'on en était là tout à l'heure, dans cet épisode où l'esprit tire de lui-même plus qu'il n'a, au sens où il est ouvert sur lui-même, vous êtes bien d'accord, c'est de là qu'on est parti. On a vu qu'on trouvait dans l'esprit la différence entre ce qui était vécu par la conscience, c'est-à-dire la durée, et puis ce qui était représenté par la science, c'est-à-dire la ligne spatiale. Le temps comme une ligne spatiale. Et puis ensuite comme un rythme. Bon. Donc là déjà, on voit une figure concrète de l'esprit qui tire de lui-même plus qu'il n'a. Mais ensuite, quand il va analyser plus profondément cette figure concrète, qui ne le satisfait pas, parce que ça revient à penser la durée simplement comme succession. Et il sent bien que la durée, c'est bien plus profond que juste de la succession. Il faut arriver à comprendre ce que c'est en plus. Et c'est donc là qu'il écrit son deuxième livre, qui s'appelle « Matière et mémoire ». Et dans « Matière et mémoire », c'est sur les rapports du corps à l'esprit. C'est absolument, absolument. Et dans « La matière et mémoire », on va découvrir que la durée est en même temps mémoire. C'est-à-dire que en même temps que le temps s'écoule et que ce temps qui s'écoule est vécu par ma conscience, le fait qu'il y ait un vécu par ma conscience, ça signifie en même temps qu'il y a quelque chose du temps qui reste dans ma conscience, qui est coextensif au présent de ma conscience. Et ce quelque chose qui reste, c'est le passé. Et donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, pour comprendre maintenant la spiritualité de la conscience, c'est comprendre la relation entre le présent et le passé. Mais vous c'est avez ça qu'il faut introduit un nouveau terme, conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Oui, ben, la conscience, c'est cette idée que l'esprit est en relation avec lui-même, qui a un monde immanent présent en lui et qui est vécu par lui. C'est ça, la conscience. C'est l'esprit qui a conscience de lui-même. Absolument, même s'il la définit jamais complètement. Alors, à la fois, c'est l'esprit qui a conscience de lui-même et qui sent qu'il y a en lui-même bien plus que ce dont il a conscience. Parce que le passé qu'il a en lui-même, c'est bien plus que ce dont il a conscience. La majeure partie du passé qu'il a en lui-même, c'est de l'inconscient en réalité. Mais c'est spirituel. C'est en lui-même, mais c'est pas conscient, c'est spirituel. Vous voyez, il y a même des relations, c'est fort d'ici. Cite le nom de Freud. Alors, j'en arrive au point sur lequel vous m'interrogez. Ben voilà, maintenant j'ai le présent et le passé. Eh bien, regardez, je vais essayer de penser de manière temporelle la relation entre le présent et le passé. Le présent, c'est l'actuel. Le passé, c'est du virtuel. Et donc, je pense la relation entre présent et passé comme une relation entre le virtuel et l'actuel. Et donc, pour définir l'esprit, je dois le définir comme du virtuel, mais je dois le définir aussi comme de l'actuel. C'est là que la matérialité commence à arriver. C'est là qu'elle arrive. La matérialité, c'est l'actuel. Mais ça veut dire que le virtuel est réel? Bien sûr qu'il est réel. Ah, vous en doutez encore? Regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Bien sûr qu'il est réel. Souvent, c'est le terme s'oppose à celui de réel. On parle de virtuel, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Il est important de rappeler que le virtuel appartient au domaine de la réalité. Parce que le temps fait des boucles chez Bergson. Le temps n'est pas linéaire, il fait des boucles. Donc, ce qui s'est produit avant, ça reste dans le présent. Ça fait une boucle de virtualité. Vous voyez, c'est ça que les gens un peu réductionnistes n'arrivent pas à comprendre. Les gens qui ne voient que la causalité physique n'arrivent pas à comprendre ça. Parce qu'ils ne voient pas les boucles de la temporalité que Bergson a dégagées. Et pourtant, elles sont essentielles, ces boucles. Voilà. J'étudie une leçon. Et pour l'apprendre par cœur, je la lis d'abord en scandant chaque vers. Je la répète ensuite un certain nombre de fois. À chaque lecture nouvelle, un progrès s'accomplit. Les mots se lient de mieux en mieux, ils finissent par s'organiser ensemble. À ce moment précis, je sais ma leçon par cœur. On dit qu'elle est devenue souvenir, qu'elle s'est imprimée dans ma mémoire. Je cherche maintenant comment la leçon a été apprise, et je me représente les phrases par lesquelles j'ai passé tour à tour. Chacune des lectures successives me revient alors à l'esprit avec son individualité propre. Je la revois avec les circonstances qui l'accompagnaient et qui l'encadrent encore. Elle se distingue de celles qui précèdent et de celles qui suivent par la place même qu'elle a occupée dans le temps. Bref, chacune de ces lectures repasse devant moi comme un événement déterminé de mon histoire. On dira encore que ces images sont des souvenirs, qu'elles se sont imprimées dans ma mémoire. On emploie les mêmes mots dans les deux cas. S'agit-il bien de la même chose? Le souvenir de la leçon, en tant qu'apprise par cœur, a tous les caractères d'une habitude. Comme l'habitude, il s'acquiert par la répétition d'un même effort. Comme l'habitude, il a exigé la décomposition d'abord, puis la recomposition de l'action totale. Comme tout exercice habituel du corps, enfin, il s'est emmagasiné dans un mécanisme qu'ébranle tout entier une impulsion initiale, dans un système clos de mouvements automatiques qui se succèdent dans le même ordre et occupent le même temps. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et nous parlons de spiritualité cette semaine, aujourd'hui de spiritualité dans la pensée d'Henri Bergson, en compagnie de Paul-Antoine Miquel, qui enseigne la philosophie à l'Université de Toulouse 2. Le texte que je viens de lire est un extrait de Matière et Mémoire, publié en 1896, et il a pour fonction d'éclairer ce que Bergson appelle la mémoire habitude. L'avantage de Bergson, Paul-Antoine Miquel, c'est qu'il prend des exemples extrêmement concrets. Et que c'est un grand prosateur et qu'en plus, bah, grâce à ces exemples, on le comprend bien. Ah ben bien sûr, parce qu'il part de problèmes précis. Et vous avez vu là comme on retrouve, à travers le texte, ça tombe pile poil, on retrouve le clos et l'ouvert. C'est vraiment directement en relation avec le texte. Alors expliquez-nous, quel est le lien avec cette mémoire? Eh bien la mémoire habitude, c'est la mémoire close. c'est la mémoire qui répétitive, qui revient toujours comme une sorte de mécanisme à un passé qui est inscrit dans le présent et qui ressemble à l'ancien présent. Donc, percer jusqu'au fond du corps d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, je recommence. Percer jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, je recommence. Je peux changer. Percer jusqu'au fond du cœur. Je peux multiplier les façons de le dire. C'est toujours la même chose que je vais dire. Alors que si, à ce moment, juste à ce moment, au moment où je vous parle là, je pense au salon de ma grand-mère où j'arrivais, couvert de boue, sortant d'un match de foot, j'avais 19 ans, j'étais là et je me souviens très bien de cet épisode parce qu'il y avait des artistes japonais dans ce salon qui me regardaient avec mon jean couvert de boue, ils m'ont pris en photo parce qu'ils étaient complètement effarés de voir ce jeune arriver dans cet état-là. Et là maintenant, quand j'y pense, ça s'est produit dans le passé, mais maintenant quand j'y pense, vous voyez bien que ça évoque pour moi toute une série de choses. Et ça surgit brutalement, j'y réfléchis pas. Ça évoque pour moi toute une série de choses qui s'ajoutent à ce que j'ai vécu quand ça s'est produit à ce moment-là. Ça, c'est le souvenir qui fait naître cette émotion qui accompagne le souvenir, cette nostalgie qui accompagne le souvenir, qui peut devenir sentiment esthétique, qui peut être exploité esthétiquement. Et c'est Proust. Et bien sûr, c'est la Madeleine, bien sûr, c'est ça. C'est la lanterne magique, c'est la Madeleine de Proust, c'est tout ce que vous voudrez. Et vous voyez bien que ça ne ressemble pas du tout au souvenir habitude. Donc il y a la mémoire habitude et mémoire, on va dire, involontaire. Il y a la mémoire habitude d'un côté et il y a la mémoire qui ouvre la porte de votre univers spirituel, de toute cette dimension virtuelle qui accompagne le présent et dont vous n'êtes pas absolument conscient directement parce que votre attention est intellectualiste. Votre attention vous porte vers ce dont vous avez besoin pour vivre. Elle n'est pas là pour réveiller le souvenir. Le souvenir se réveille quand vous délaissez l'attention, quand vous délaissez les habitudes, quand vous délaissez tout cet aspect biologique de votre activité mentale. Et donc, c'est ça qui fait la différence, en effet, entre le clos et l'ouvert, entre le souvenir habitude et puis le souvenir pur. Mais le virtuel est-il forcément du côté du passé? Si je reprends un exemple comme le vôtre, quand j'ai lu le texte d'ailleurs, tout à l'heure, à l'antenne, voilà, là, en direct, je lis le texte. En lisant le texte, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête à ce moment-là. Je suis concentrée sur la lecture, j'imagine, j'espère que je ne vais pas rater un mot. Je me demande comment ça se passe pour l'auditeur qui est en train d'écouter. Je pense peut-être à ce qui se passera tout à l'heure. Je me dédouble. Et là, cette virtualité, ces couches de temps qui s'ajoutent de manière simultanée ne sont pas uniquement du côté du passé. D'ailleurs, Absolument. Dans mon cas, ce n'était pas du tout du côté du passé. Alors écoutez, là, ce que vous dites, à mon avis, c'est un point très crucial. Parce que je crois que non, c'est aussi du côté du futur. Voyez, mais et du présent. Et aussi du je présent. Je suis en train de lire et je m'écoute en train de lire et j'anticipe. Ah oui, tout à fait. Voyez, tout à fait. Anticiper, on peut se mettre à distance de son propre présent, mais on peut aussi se mettre à distance de son propre futur. C'est l'anticipation. Il le cite Bergson, mais il développe moins cet aspect. C'est surtout dans matière et mémoire. Mais j'ai une puissance d'anticiper. J'ai une puissance de simuler ce qui va m'arriver avant que ça m'arrive. Et ça c'est aussi une des caractéristiques du virtuel. Il en parle assez peu quand il s'agit de la conscience humaine, mais par contre, il va en parler beaucoup quand il s'agit de l'univers, quand il s'agit de la vie. Puisque cette puissance d'anticiper n'est rien d'autre que l'élan vital. Alors là, ce que vous dites est quand même décisif, parce que ça veut dire que l'individu n'a pas le monopole de l'esprit, qu'en fait l'esprit se retrouve dans le monde lui-même, dans les choses elles-mêmes, c'est ça? Alors voilà, c'est ça la grande transition en effet. Parce que l'esprit n'est pas seulement ouvert sur lui-même. L'esprit est ouvert sur l'univers. C'est ça la grande transition du bergsonisme. Et ça commence avec matière et mémoire. En effet, on va peut-être pas regarder dans le détail exactement comment il s'y prend pour faire cette transition. Non, mais dites-nous quand même. Ça passe par la théorie des images. Ce qu'il appelle la théorie des images. C'est-à-dire, en fait, ça passe par l'intelligence. L'intelligence me met en rapport mon présent, qui est un présent vécu psychologique, avec tous les autres présents qui coïncident avec mon présent. Et elle le fait par la perception et ensuite par la science. Regardez, quand vous regardez la lune ou le soleil, ce que vous le voyez depuis vous-même, depuis votre conscience. Qu'est-ce que fait l'intelligence? Elle vous fait voir la lune et le soleil depuis non plus simplement vous-même et votre conscience, mais depuis le grand corps sensible de l'univers, comme dirait Bergson. Qu'est-ce que c'est le grand corps sensible de l'univers? C'est justement ce point de vue d'objectivation que la science rend possible, et qui permet de découvrir le Soleil et la Lune, non plus comme des boules de feu à 200 mètres de moi, mais comme des astres, qui sont à des centaines de millions de kilomètres pour le Soleil, et à 300 000 kilomètres pour la Lune de moi. Voyez ? Et donc c'est cette mise à distance qui s'opère justement par l'espace, et qui fait que notre présent peut communiquer avec le présent de tous les corps de l'univers. Et c'est comme ça, d'un seul coup, je fais une expérience d'une autre forme, c'est pas juste l'expérience de la durée qui est en moi, c'est l'expérience de quelque chose dans lequel moi je suis. C'est pas quelque chose qui est en moi, c'est quelque chose dans lequel moi je suis. C'est cette expérience-là, c'est une expérience immanente aussi, mais au sens où je suis dans quelque chose qui n'est pas mon monde, qui n'est pas mon monde à moi, et ce quelque chose, c'est l'univers. Pourquoi c'est pas mon monde à moi, au contraire ? Ah, bah parce que j'y participe, mais c'est pas simplement moi. Moi, maintenant, bah, simplement ma conscience, mais par mon cerveau, je fais partie d'un univers qui est plus large, qui est plus vaste que moi, et dont je suis juste un tout petit élément. Et donc la deuxième question qui va arriver là, là voilà cette deuxième question, c'est est-ce que dans cet univers-là, il n'y a pas aussi de la spiritualité ? Et la réponse est oui, bien sûr. On va trouver de la spiritualité, pas simplement dans la conscience, mais aussi dans l'univers. Voilà. Alors là, on est bien loin de la formation scientifique de Bergson, parce que d'un point de vue scientifique, on dirait que cette conscience, cet esprit, sont quand même, ont pour base, point de départ, même explication, le cerveau. Nous sommes des êtres humains dotés de cerveau qui pouvons nous poser ces questions. L'astre, la lune elle-même ne se pose pas ces questions. Donc quand vous dites qu'il y a de l'esprit, que la lune aussi est spirituelle, ça veut dire quoi ? Comment on peut dire ça, hein ? Vous vous demandez. Hein ? Bah, déjà, il ne faut pas prendre simplement la lune. Prenez votre cerveau. Il y a une différence énorme entre votre cerveau et la Lune. Ah, je vous le confirme. Enfin, j'espère. Bah oui, moi aussi. J'en suis certain. C'est que votre cerveau. On n'a jamais marché sur mon cerveau. Votre cerveau est un organe et il fait partie de vous. Vous avez un organisme et un organisme, c'est vivant. La vie est en vous. Cette différence, donc, c'est la différence entre la matière et la vie. Et cette différence, pour Bergson, marque la présence du spirituel dans l'univers. Il y a du spirituel dans l'univers parce qu'il y a une forme de temporalité dans l'univers qui n'est pas juste le temps physique, mais qui est le temps du vivant et le temps de la vie. Oui, mais la Lune, elle n'est pas vivante, il n'y a pas d'organisme. La Lune n'est pas vivante. Donc la Lune est quelque chose qu'on peut comprendre comme, à la base, comme quelque chose de purement matériel. Et la vie est quelque chose qui marque la présence de la spiritualité dans la matière. Voilà ce qu'on peut dire en deux mots, pour le dire très rapidement. Non, mais alors, moi, je vous propose qu'on développe, parce que c'est quand même vraiment un point important. On se demande si on peut même parler de mysticisme à propos de la spiritualité de Bergson. Pour ce faire, je vous propose qu'on écoute un extrait. C'est un exemple que prend Bergson. Il évoque, à un moment, le cas de Saint François d'Assise. On va écouter un petit extrait qui nous permettra de rebondir sur cette dimension, alors religieuse ou mystique. Vous nous direz quel terme s'applique le mieux. Que voulez-vous, au juste ? Je veux seulement apprendre le bonheur. Je veux vivre comme les oiseaux du ciel. Faire l'expérience de la liberté, de la pureté, afin de la ressembler. Le reste ne compte pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas, croyez-moi. Si le but de la vie est ce labeur sans amour auquel nous consacrons nos jours, alors je n'en veux pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de mieux. Mais oui, il le faut. L'homme est esprit. Cela seul compte. Et c'est mon âme maintenant que je veux reposséder. Je veux être libre. Je veux errer à travers les bois, escalader les collines et franchir les fleuves à la nage. Je veux sentir la ferme consistance de la terre sous mes pieds, sans chaussures, sans rien qui m'appartienne. Sans tous les faux-semblants dont nous sommes esclaves. Simplement un mendiant. Oui, un mendiant. Saint François d'Assise sur France Culture, les chemins de la philosophie, un extrait du film Franco Zeffirelli de 1972. Bergson cite Saint François d'Assise parmi les mystiques chrétiens qui ont pu entrer en contact avec l'élan vital de l'esprit. Ici, sommes-nous encore dans la spiritualité, ou bien dans le mysticisme, ou bien dans la religion, ou bien les trois, Antoine Michel ? Alors, je vais vous répondre, parce que vous m'aviez demandé en même temps un approfondissement tout à l'heure. Et donc, à la fois, je vais vous répondre dans le prolongement de ce que vous m'avez demandé, et puis aussi en pensant au texte qu'on vient d'entendre. Voilà, en fait, il y a indéniablement une dimension mystique chez Bergson. Il ne faut pas le nier. On s'est beaucoup moqué de ça, Et oui, c'est vrai, il est mystique, il est spiritualiste, et donc c'est un spiritualisme qui n'est pas simplement psychologique, mais qui est cosmologique, il pense qu'il y a de la spiritualité dans l'univers, comme on l'a dit tout à l'heure. En même temps, ce mysticisme se nourrit d'un problème précis. C'est ça que je voudrais dire aux auditeurs, et vous le dire à vous-même. Il se nourrit d'un problème précis. Comme toujours, comme on a vu, il y avait un problème précis pour l'analyse de la durée. Ben là, il y a un problème précis pour l'analyse de la vie. Ce problème précis, qui d'ailleurs est le même aujourd'hui, soit dit en passant, c'est le même aujourd'hui. C'est là qu'on voit la profondeur d'un philosophe. Un siècle plus tard, on a le même problème, on n'a toujours pas la solution. Ce problème précis, c'est qu'on ne sait toujours pas expliquer la vie. On ne sait pas expliquer la transition du physique au biologique. Les gens qui vous diraient le contraire aujourd'hui seraient juste des menteurs. Les gens qui font de la biologie synthétique, vous pouvez aller les voir dans les laboratoires, leur demander, ils vont vous dire, il n'y a pas de problème, je vais vous refaire un chromosome, ça je sais faire. Mais vous faire un système qui s'adapte, vous faire un système qui évolue, personne ne sait le faire. Voyez ? Donc le problème de base, c'est ça. Comment expliquer cette coupure entre l'inerte et le vivant ? Comment expliquer cette coupure entre le physique et le biologique ? Et pourquoi la science n'arrive-t-elle pas à l'expliquer ? C'est ça le problème dont il part. C'est un vrai problème épistémologique. C'est la force de Bergson de l'avoir soulevé. C'est pas juste un philosophe bêlant, c'est un philosophe qui soulève des vrais problèmes. Et il a soulevé le problème de manière beaucoup plus précise que ça. C'est-à-dire, je peux développer ? Ah, je vous en prie. Il a soulevé le problème de manière beaucoup plus précise que ça, en deux mots. Pour lui, le problème, il est lié à quoi ? À la temporalité, bien sûr, encore une fois. Comment se fait-il que la temporalité biologique soit si différente de la temporalité physique ? Comment ça se fait ? C'est ça le problème que Bergson soulève. Et comment il trouve une solution ? C'est vrai qu'il trouve une solution à partir de la notion d'élan vital. Mais on ne fait pas assez attention en général quand on parle de l'élan vital. Qu'est-ce que c'est l'élan vital déjà ? Je vais vous expliquer. Mais avant de vous l'expliquer, il faut bien faire attention à ça. Et c'est Gilles Deleuze le premier qui s'en était rendu compte. Il ne dit jamais simplement l'élan vital. Il dit toujours l'élan est fini. Comme il y avait une finitude de la conscience tout à l'heure dans la pensée, qui était ouverte sur elle-même, à la fois plus et moins qu'elle-même, il y a aussi une finitude de l'élan vital. Vous voyez ? Alors je vous passe sur les détails, on peut interpréter cette finitude de l'élan vital de plusieurs manières. Parce qu'il y a probablement des spécialistes de Bergson qui m'entendent, ils le savent, et je ne veux pas entrer là-dedans, c'est de la logique universitaire, ça ne m'intéresse pas, je vais vous dire tout de suite ce qui est intéressant. Voilà. Cette finitude de l'élan vital, elle suppose que la matière fait obstacle, mais que l'élan est une force de dépassement. Et donc, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de dépassement. Et si on dit que s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de dépassement, ça veut dire que l'obstacle est essentiel à la structure même de la force dont on parle, quand on parle d'élan vital. Et donc, ça veut dire que la matérialité est quelque chose d'essentiel à l'élan vital lui-même. Oui, mais on a quand même besoin d'avoir cette réponse, la réponse à la question que je vous ai posée, pour pouvoir bien vous comprendre. Qu'est-ce que c'est que l'élan vital chez Bergson ? Absolument. Alors, ça renvoie à deux choses. Ça renvoie à deux choses précises. La première chose précise, et c'est là qu'on voit l'originalité de la temporalité biologique, ça renvoie à l'imprévisibilité. C'est-à-dire, en fait, quand vous analysez l'évolution, l'évolution ne ressemble pas à simplement l'évolution temporelle d'un système physique. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette dimension d'imprévisibilité permanente qui est présente dans l'évolution. Et en fait, quand on regarde bien, quand il dit ça, ce qu'il raconte n'est pas si différent de ce que raconte Darwin. Vous voyez ? C'est ça qui est le plus étrange. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « la vie progresse par dissociation, elle ne progresse pas par association. Donc, elle progresse par saut à chaque fois, à chaque nouveau présent de l'imprévisible surgit. Et comment se manifeste cet imprévisible ? Par le fait qu'il y a des espèces éliminées, mais il y a des nouvelles espèces qui surgissent de plus en plus. Et plus ça va, plus les lignes évolutives divergent dans de multiples directions. Plus elles divergent vers de multiples directions, et plus c'est imprévisible. Et quand on regarde de près ce qu'il dit, bah, ça ressemble énormément à ce que raconte Darwin, qui est souvent très très mal raconté. Et pourquoi ? Parce que qu'est-ce que dit Darwin ? On oublie toujours ça. Chez Darwin, on retient la sélection naturelle. La sélection naturelle, oui, c'est vrai que c'est ça. Mais il n'y a pas juste de la sélection naturelle chez Darwin. Il y a de la sélection naturelle parce qu'il y a en même temps le principe de descendance avec variation. S'il n'y avait pas descendance avec variation, plus sélection naturelle, il n'y aurait pas l'évolution. Et qu'est-ce que c'est l'évolution? Du coup, c'est défini par Darwin, par justement la divergence des caractères. Mmh. Quand vous regardez l'arbre de Darwin, il fait des bifurcations tout le temps, et plus le temps passe, et plus ces bifurcations augmentent. C'est-à-dire que plus le temps passe, et plus le devenir temporel biologique devient imprévisible. Donc en fait, on a la même idée chez Bergson et chez Darwin, l'imprévisibilité du devenir biologique, qui marque une différence claire avec l'évolution d'un système physique classique. Oui, mais il y a quand même quelque chose en plus chez Bergson, même si l'élan vital peut être un principe d'explication de l'évolution, hein, au même titre que Darwin étant d'esquisser, si ce n'est une explication, en tout cas une description de ce qui se passe dans ce qu'il appelle l'évolution, c'est que le terme même d'élan vital laisse penser qu'il y a quelque chose, un moteur, absolument, une substance, vrai, une réalité. Vrai. Il y a quelque chose qui introduit de l'imprévisibilité, ouais, dans le présent. C'est quoi ça? Absolument. Et qui donne son sens. Et c'est cette dimension créatrice de la temporalité biologique qui fait apparaître du nouveau. Qui ne se contente pas d'introduire de l'imprévisible, mais qui fait apparaître du nouveau à travers cet imprévisible. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de l'élan vital. Il y a quelque chose qui se fait dans et à travers ce qui se défait. Alors, est-ce que vous voulez que je commente ça? Mais c'est un petit peu technique. Là. On est prêt, il est 10h41 lundi matin, on vous écoute. Ce qui s'est défait, c'est de l'entropie. Pour Bergson, l'entropie, c'est un lecteur des théories physiques de son époque. Donc, pour lui, la physique, c'est essentiellement quand même, en 1907, la mécanique et la thermodynamique. Il ne connaît pas la mécanique quantique naissante. Il va essayer de parler de la relativité plus tard, mais à ce moment-là, il n'en parle pas. Et donc, il est très fasciné par la thermodynamique. Et donc, l'entropie, c'est quoi pour lui? C'est, vous voyez, le fer qui se corrode, le moteur qui s'abîme au fur et à mesure qu'on roule. C'est ça, l'entropie. C'est-à-dire, c'est une force, c'est l'énergie mécanique qui se défait. C'est quelque chose qui s'abîme. C'est une force de destruction. C'est ça, l'entropie. Et il comprend la vie comme quoi? Comme, à nouveau, le spirituel et dépassement de soi. Donc, c'est quelque chose qui se crée à travers quelque chose qui se détruit. C'est ça, la vie, telle qu'il la comprend. Et donc, l'élan vital, le voilà. C'est cette force de dépassement. L'esprit tire de lui-même plus qu'il a. Il n'est pas juste matérialité. Il n'est pas juste quelque chose qui se détruit. Il est vitalité dans et à travers cette matérialité. C'est juste une image concept de philosophe. Mmh. À cette époque, ça n'a pas tellement plus de valeur. Et pourtant, aujourd'hui, on peut vraiment associer cette image aux structures dissipatives de Prigogine, par exemple. Et c'est exactement la même idée. C'est-à-dire l'idée, bon, évidemment, il y a des concepts nouveaux qui sont introduits dans la physique d'aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque de Bergson, comme le concept de système ouvert. Mais dans un système ouvert qui a des échanges avec l'extérieur, où il y a un flux d'énergie qui est fort, ben, le système est capable de s'organiser lui-même. Il a une puissance d'organisation à travers le flux thermodynamique, donc quelque chose qui se défait, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se fait. Vous voyez, les philosophes spirituels de Bélan, quelquefois, ils ont des idées qu'il faut un peu regarder de près au lieu de se moquer d'eux. Mais si on dit à la suite de Bergson que l'esprit, c'est la vie, en fait, c'est ça. C'est aussi la vie. C'est la conscience et c'est la vie. Voilà, c'est ça. Et vous allez voir que c'est aussi l'histoire humaine, après. Ah bah vous allez voir, dites-nous, il ne reste plus beaucoup de temps, alors comment c'est l'histoire humaine? Et oui, parce qu'après, il y a toute cette dimension de l'histoire humaine, là, bon, on peut peut-être pas trop parler de ça aujourd'hui, mais la vie se dépasse elle-même à travers l'histoire humaine. La vie se dépasse elle-même à travers ce que l'histoire humaine met en place. Ce qu'elle met en place, c'est cette dimension à la fois morale et religieuse, à travers laquelle, eh bien, il y a une nouvelle forme de spiritualité qui surgit et qu'il appelle le religieux. Alors voilà, c'était le sens de ma question. Si on dit que l'esprit, c'est la vie, est-ce que ça veut dire pour autant que pour Bergson, il y a une forme de religion de l'esprit? En ce qui concerne l'humain, oui. Et du coup, après, oui, on peut dire qu'il y a une dimension religieuse de l'élan vital lui-même. Mais le religieux, véritablement, c'est cette force de dépassement de la vie à travers l'histoire humaine. C'est là qu'on voit la marque du religieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le dépassement de la vie? Eh bien, ça veut dire que c'est très étrange, je vous l'avoue. Mais ça veut dire, souvent, c'est le dernier livre de Bergson dont on parle là. C'est les deux sources de la morale et de la religion. 1932. Absolument. Et souvent, comme il dit à la fin de ce dernier livre, que toute morale est d'essence biologique, souvent, on en déduit qu'au fond, il essaye de définir une morale qui se repose sur des concepts qui viennent de la biologie, comme d'autres l'ont fait, comme Spencer, par exemple. Une morale évolutionniste chez Spencer, etc. Donc, on pourrait dire que Bergson fait quelque chose comme ça. Alors, oui, c'est vrai qu'il s'inspire du concept d'élan vital, mais c'est pas du tout ça. La morale, pour lui, dire que c'est des sens religieux, qu'est-ce que c'est le religieux? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va, d'une certaine façon, conduire l'homme à dépasser la nature. Vous voyez, ça vient de la nature, mais ça conduit l'homme à dépasser la nature. Il y a une espèce de dépassement de la nature par l'humain, qui se met en place. Mais qui n'est pas par le biais de la technique et de l'innovation technologique. D'abord, ça se met en place par ce qu'il appelle la fonction fabulatrice. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la fonction fabulatrice? C'est un truc très étrange qui vient du fait que, en fait, nous disposons de l'intelligence et par l'intelligence, on est capable de faire des choses comme penser à notre propre mort, comme penser à ce qui est important ou utile pour nous. Et en fait, par la fonction fabulatrice, on met en place, et ça, c'est la première figure du religieux, on met en place quelque chose, en gros, le totem, le tabou, les choses comme ça, qui font que la force de la communauté revient. Et qu'elle est là pour nous rassurer. Et donc, la fonction fabulatrice, c'est déjà plus de l'instinct, c'est autre chose que de l'instinct. On est au-delà de la nature, vous voyez? On est déjà au-delà de la nature, par cet aspect-là. Et puis, le deuxième aspect, c'est ce que vous dites, c'est que l'aspect vraiment religieux, c'est-à-dire la morale ouverte, et la religion elle-même, la religiosité elle-même ouverte, comment elle arrive? Elle arrive pas contre la technique, pas sans la technique, elle arrive à travers la technique. Parce que c'est à travers la technique et l'industrie que la démocratie fraternelle se met en place. À nos yeux, l'aboutissement du mysticisme est une prise de contact et par conséquent une coïncidence partielle avec l'effort créateur que manifeste la vie. Cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même. Le grand mystique serait une individualité qui franchirait les limites assignées à l'espèce par sa matérialité et qui continuerait et prolongerait ainsi l'action divine. Ces lignes ont été écrites par Bergson, on les Absolument. Trouve dans les deux sources de la morale et la religion. Il est difficile de lire Bergson de la même façon quand on sait qu'il a écrit ça. Si là, Dieu arrive dans sa philosophie. Oui, sauf que... Est-ce que ça change tout? Sauf est-ce qu'il que a écrit l'univers, en même temps, l'univers est une machine à faire les dieux. Oui, mais lui-même, là, il le reprend à son compte. Et oui, lui-même évoque Dieu directement. Mais au sens où, si vous voulez, nous, pour lui, l'humanité est divine. C'est ça qui est très étrange. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui est pas simplement transcendant et qui serait là comme quelque chose vers quoi il faut se tourner parce que c'est la source d'amour et tout ça. Oui, Dieu, c'est la source d'amour. Mais en même temps, cette source d'amour, elle-même s'incarne. C'est pour ça que la figure du Christ est très importante pour lui. Parce que c'est la réunion entre et les tout à fait, et la matière. Elle s'incarne. Et donc, ça veut dire, en fait, que ce qui est véritablement divin, c'est nous. C'est nous qui sommes véritablement divins. Oui, mais est-ce que ça fait pas relire nous, toute nous, l'évolution créatrice? Toutes les créatures vivantes. Mais nous, l'humain, c'est vrai qu'il donne un sens spécial à l'humain de ce point de vue-là. Un sens chrétien. Un peu. Oui, à cause de ce que l'histoire humaine met en place, c'est-à-dire cette forme de démocratie fraternelle à travers laquelle, eh bien, l'humanité s'ouvre à elle-même, en quelque sorte. Puisque, la démocratie fraternelle, pour lui, c'est pas juste dans un peuple, c'est pour toute l'humanité. Mais est-ce que ça change pas tout ce qu'il a écrit avant, quand il écrit ça dans son dernier texte? Est-ce que, parce qu'on pourrait relire toute son œuvre, l'évolution créatrice dont vous avez parlé, etc., qui est une dimension scientifique revendiquée, à l'aune de son christianisme? Si vous reprenez la formule de départ, l'esprit tire de lui-même plus que ce qu'il n'a. Oui. Vous voyez qu'on est juste à la troisième étape de la formule de départ, c'est tout. La vie tire d'elle-même plus que ce qu'elle n'a. Elle tire l'histoire humaine. Ouais, c'est la vie ou c'est Dieu? Après, la vie a une dimension un peu divinisable. Oui, on peut le dire comme ça. Mais quand elle tire d'elle-même plus que ce qu'elle a, elle est autre chose que la vie elle-même. Elle est plus que la vie elle-même. C'est ça, c'est... Mais c'est, comme Dieu lui-même. C'est... En fait, on peut tout relire, même l'élan vital, ça peut être la force créatrice de Dieu. On peut relire ça comme ça, on peut le relire comme ça, c'est vrai. On peut le relire comme ça. Mais on n'est pas obligé de le faire. Non, mais la question se pose de savoir ce qu'il reste en termes de valeur philosophique objective dans le travail de Bergson, indépendant peut-être de sa croyance ou de sa religion. C'est quand même pas la même chose. On est à la valeur philosophique objective, là, on l'a dégagée au moins sur trois points. Trois points majeurs. La durée, c'est pas le temps spatialisé. Un. Deux. Le temps biologique, c'est pas le temps physique. Il est imprévisible, il n'est pas juste anthropique. Il est néganthropique, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Deux. Trois, si on cherche à fonder comme ça une morale pour l'homme, Ben, on va avoir du mal à la fonder sans avoir recours à la relation entre le biologique et l'humain. Et sans voir en quoi, en même temps, l'humain dépasse le biologique. Et cette vision de l'humain qui dépasse le biologique, c'est une chose importante, parce que le dépasser, ça ne veut pas dire qu'on l'abandonne. Mmh. Vous voyez ? Et donc, dessous, on peut très bien voir les prémices d'une réflexion sur l'écologie, sur le rapport à la nature, comme un rapport fondateur des valeurs éthiques et politiques pour l'homme. Absolument. Oui. Et dessous, on peut voir aussi une conception de la démocratie, une certaine conception de la démocratie, qui n'est pas juste la démocratie pour un peuple, mais qui est la démocratie pour l'humanité entière. Merci pour ce résumé et cette ouverture, professeur Paul-Antoine Niquel. Merci d'être venu nous parler de Bergson ce matin. On se quitte avec l'amour spirituel des Urban Spaces. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. En ce lundi matin, vous nous parlez de faim. F-I-N. Et oui, car j'ai eu la chance d'aller au cinéma deux fois la semaine dernière pour voir Chambre 212 de Christophe Honoré et Mathias et Maxime de Xavier Dolan. A priori très différents dans leur ambiance, leur scénario et leur mise en scène, je leur ai pourtant vu deux points communs. D'abord, la transformation d'une relation à deux, amour ou amitié, c'est leur sujet, et une fin en forme de point d'interrogation. Maria et Richard se retrouvent-ils finalement à la fin du film de Christophe Honoré? Quelle forme nouvelle prend la relation entre Mathias et Maxime dans le film de Xavier Dolan? Je voulais des réponses claires et nettes et je suis restée sur ma faim, à écrire comme vous le voulez et à me demander du coup c'est quoi une bonne fin. Sam? Sam? Daddy! Where are you, Sam? Disappearance of 2% of the world's population. We still wonder where they went and why. The ones that witnessed it, who were actually there, they just snapped. Where did they come from? What do they want? You don't even know who they are.